Gaétan, excuse-moi là, mais n'essaye pas ça à la maison, hein. Il faut un professionnel. Et c'est qui? C'est moi. Je me présente, ma belle amie. Je suis comme je suis, comme le chantait Gréco. La connais-tu la chanson de Gréco? Je suis comme je suis, je chante comme je chante, je suis tout la baby, la bi, la ba. Pardon? Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées, mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui? Je plais. Et puis, qu'est-ce qu'il voulait dire, l'insignifiant? Donc, ah oui, vous êtes à CKRL. J'espère que tout va bien. Le générique n'est pas parti, ne vous en faites pas. On est prêt. On stimule un peu la bouche, histoire qu'elle ne se placarde pas. Mais là, la seule personne qui l'a placardé, là, parce que je l'ai connu, moi, Hannibal Lecter, là. Quand je l'ai vu en 1992, il me faisait pas peur. Mais il faut pas que je vous raconte cette histoire maintenant parce que l'émission est pas encore découverte. Elle a décollé, mais le générique n'a pas été présenté. Vous savez même pas on est quel jour. Quel jour sommes-nous? Oh mon Dieu, le mois d'avril, décembre. Oh non, oui, on est le 24 décembre 2027. Avez-vous acheté vos cadeaux? Vous avez perdu des bouts? Pas bon signe, ça là. Alors, comme la douleur, on va reprendre l'animateur. Renal Gagné n'est pas là. Renal Gagné, il monte les marches. Il est essoufflé, lui, comme un pompeux de réverbère. Ah, mon doux seigneur. C'est pour ça qu'il aime ça, la Purple Man. Ça lui rappelle, ça lui rappelle que la bouche peut se remettre à fonctionner, la preuve. Renal! Oui, c'est moi. Alors, attention. La douleur, comme le beurre, s'étend si facilement. Alors, aujourd'hui, ça promet, aujourd'hui, le 12 juin 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kéké. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Hey. Normalement, on commence avec une chanson. C'est sous ma porte, je comptais vivre fort et que le diable m'emporte. J'allais à la fenêtre, enroulé dans un drap, je secouais la tête et j'en écartais les bras. J'avais des hauts, j'avais des bas, j'avais plus ou moins chaud, toute la vie devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas, je crois que j'en voulais trop, j'aimais mieux ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Ce que je restais enfermé, erré pendant des jours. Trop des chemins s'ouvraient, trop des questions retour. Je n'avais pas tué mon père. Mais je ne me souvenais pas ce qu'il me disait de faire ou ce qu'il ne disait pas. J'avais les hauts, j'avais les bas, j'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais les hauts, j'avais les bas, je crois j'en voulais trop. J'aimais mieux ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas, même ce que je ne voulais pas. Je guettais l'heure et la page où les eaux s'ouvriraient, me laisseraient un passage. L'espoir me faisait vivre, l'attente me rendait nerveux. Je trouvais dans les livres de quoi se patienter un peu. C'est l'équipe d'Enfer, Escher et Jean. Ils se connaissent depuis à peu près 35 ans. Et c'est quand même assez étrange, hein? Jean qui est un auteur, un écrivain, 37 du matin. Il a tellement fait de choses. Moi, je l'ai connu par ses nouvelles. Et Escher qui écrivait au début de sa carrière ses propres chansons. Il était pas propre. Ah, oh, bon, doux. Tu sais, c'était pas un francophone, lui-là, là. C'était fait de chair. Ça vient pas de... Non. Ça vient pas de Limoilou, là, cette affaire-là. Stéphane, en plus, c'est S-T-E-P-H-A-N. Tu sais, c'est pas C-H-P-H-A-N-N-E-N-N-E, là. Hein? S-T-E-P-H-A-N-E. Lui, c'est S-T-E-P-H-A-N. Hein? On dirait que ça fonctionne plus, hein? Escher, c'est E-I-C-H-R. Ça vient d'où, ça, Escher? Ça vient de la Suisse. Je dégonfle encore, moi, là. Hey, au mois de juin, le grand plaisir pour quand c'est l'été, c'est d'aller à la plage. Hein, pour écrire, pour lire, pour regarder, pour, en fait, emmagasiner des informations pour l'hiver. Oh ouais, il va y avoir une partie de volleyball féminin. Moi, j'aime ça, le volleyball féminin. Ah, mon beau-frère va jouer demain. Oh, ça m'intéresse pas. Ouais, mais c'est du volleyball. Ouais, mais c'est pas féminin. Ouais, mais c'est quoi la différence? Ben là, je sais pas, hein? C'est le ballon qui est différent. Oh, T6. Quoi? T6. Pas C6, sexiste. T'es sexiste, mais oui. J'ai le regard qui me noie dans la beauté fatale. Oui, mais toi, t'as-tu la beauté fatale? Non, je me noie jamais dans mes... Non, je me noie jamais. Penses-tu que je vais me noyer? Quand je prends des verres d'eau, là, je mets 2 cm de liquide. Pourquoi? Mais je veux pas me noyer dedans. Tu sais, ouais, mais si tu t'étouffes en buvant de l'eau, hein, c'est vrai, ça. Y a-t-il quelqu'un qui s'étouffe en buvant de l'eau? Ben, on peut s'étouffer n'importe comment. Mmh. quand tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi. Je regarde tes jambes, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas y penser. Je n'ai pas d'ami comme toi. Non, non, non, pas d'autre ami comme toi. Je n'ai pas d'ami comme toi. Oh non, non, non, pas d'autre ami comme toi. Comme toi. Mieux le monde en t'observant, je crois j'y vois plus clair. Je n'ai pas trouvé la clé du mystère, mais je m'en suis approché. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, non, non, pas d'autre ami comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, non. J'ai encore beaucoup à découvrir, mais dans ce tour de moi, j'abandonne si tu danses autour de moi. Que tu manges une pointe de spaghetti. Non, une pointe de spaghetti, oui. Mangez-vous des pointes de spaghetti, madame Tremblay? Ben moi, je mange des spaghettini, hein, c'est petit, petit, petit. Ça avale facilement, mais moi, je mange pas assez. C'est ça que mon beau-frère m'a dit. Il dit, mange. Ben oui, mais si je mange, ben bon, mais j'ai pas la prothèse assez forte pour ça, moi. Tu vas me dire, le spaghetti, c'est mou, mais moi, je le fais pas cuire trop. Moi, c'est plus qu'al dente, moi, là. C'est comme le steak, là. Faut pas qu'il soit même pas saignant. Moi, je veux qu'il soit bleu. Fait que ma pâte alimentaire, là, je veux sentir une résistance. Je veux que ça se crunch, là. J'aime ça quand ça se crunch. Mais j'ai pas la prothèse pour ça. Tu sais, ah, ma vie, là, ma femme, elle m'a dit, ma femme, pas ma femme, parce que moi, je suis la femme. Ben oui, Gaétane Brisebois. Gaétane Brisebois, moi-même. Oui, enchanté. Oui, enchanté de vous rencontrer. Oui. Avez-vous déjà entendu? Oui, souvent. Hein? Il me fait passer à son émission, Rénal Gagnon. Oui. Mais lui, le problème, c'est qu'il ouvre le bouton au début de sa minuit, puis après ça, il s'en va. Il revient peut-être pour la fin. Il revient, ça, c'est sûr, pour la deuxième heure. Il vient, hein, il vient rencontrer les artistes, là. Fait que t'entends poser des questions, puis il y a le bruit, mais en tout cas, puis là, les artistes essaient de parler à travers ça, puis il est pertinent, mais des fois, il est incontinent, tu sais, pertinent, incontinent, mais c'est pas, on le tolère, sa planète, on le tolère aussi, on commence à de moins en moins le tolérer, oh mon Dieu, ouais. On en parle, là. Oh oui, moi, j'ai appelé des détectives privés, là. On le suit à la trace, on le suit à la trace. Ah, mon Dieu. Puis, il en fait des traces. Ah, il est pas tout le temps propre. Ah, ça glisse de partout. Et puis, qu'est-ce que vous voulez dire, lui? Hein? Moi? Ah, oh, mais moi, j'ai pas grand-chose à dire. C'est que, ouais, j'ai un petit problème quand je mange mes potes alimentaires. Parce que d'un, comme je vous l'ai dit, moi je ne les fais pas cuire trop longtemps. Parce que j'aime ça quand ça crunch. Mais ma bouche n'aime pas ça. Ah non, j'ai plus la mâchoire pour ça. J'ai quand même un âge. Mon âge est avancé. Avancez donc chez vous. Il y en a 92. Vous êtes folle, voyons d'or, 92, moi. Quoique, je connais des femmes de 92 ans qui sont extrêmement compétentes, hein, Jeannette Bertrand. On a parlé tantôt de Jeannette Bertrand. Elle était incroyable, Jeannette. Ah, la Jeannette de Jeannette, 90 passé, ça, là. Denise Filiato, 90 passé. Dominique Michel, 90 passé. Toujours vivant. Je suis celui qui va en avant. Toujours vivant. Ah, mon. C'est une réjouissance pour les regards. C'est pour l'intellectuel aussi. Moi, j'ai un peu moins que ça, mais hey, j'ai eu une vie difficile. Ah, j'ai travaillé dans la rue pendant un bon 35 ans. Ben oui, j'ai été paripatéticienne. Et c'est pour ça que j'ai un mâchoire fini. Hey, on nous demande nettement d'affaires pour... nous, ce qu'on veut, c'est le plus d'argent possible. Fait qu'on est prêt à écouter le client puis à faire ce qu'il veut. Quoique, moi, j'avais des réticences. Hein? Non, moi, je faisais pas certaines affaires. Ah non, moi, là, pendant que je me lançais, je voulais pas qu'il commence à chanter. Maman, mais si, on chante pas. Ça n'a pas c'est qui, là, mais j'ai jamais rencontré Aznavour ou Alain Barrière ou comment il s'appelle, là, l'insignifiant de droite, là, Serge, pas Serge, mais voyons donc, Michel Sardou, je sais pas, là, moi, je vais rencontrer des poètes finis, des hommes, on doit que la neige abrégée, magie de Barley, je comprenais rien. Puis c'était des francophones de Québec, là, du Québec, mais plus de Québec. Moi, j'ai travaillé à la Haute-Ville. Moi, j'ai fait ma vie à la Haute-Ville. Puis mon fils a continué sur l'aiguillon. Ben oui, l'aiguillon, pour les hommes, c'est l'aiguillon. Puis nous autres, en Haute-Ville. Mais un peu en Basse aussi, j'étais à Saint-Roch, mais pas trop le nommer. Et puis, c'est pour ça que j'ai mon choix fini. Ah, puis en plus, j'ai tellement crié, pleuré. Hey, vous m'avez volé, vous m'avez dit 30 piastres, vous m'avez dit 10 piastres. Ah, bon, ça. Arrêtez pas ça. Il n'a aucune chance avec elle, je l'ai prévenu. Mais veut essayer quand même. Il était dû. Il ne veut pas des mecs qu'on sait, me sourit d'un air entendu. Puis s'en va recevoir sa peine, le cœur léger, la joue tendue. Il ne m'écoute jamais, il fait ce qui lui plaît. Quand encore ne connaît ni remords ni regrets. Qu'il n'attend pas. Il tient les serments, les promesses, vaut de l'or pur, vaut de l'airain. Trahi, il en tombe sur les fesses, mais pense plus le lendemain. Il ne m'écoute jamais, il fait ce qui lui plaît. Quand encore ne connaît ni remords ni regrets. Se frotte les mains. Il voit pas tout de la lumière, même dans les coins. Il se jette la tête la première, sans hésiter, sans prendre soin. Ne glisser un œil en arrière, pour voir s'il connaît le chemin. Il ne m'écoute jamais. part ça, belle semaine. Ah, ben, hey, écoute, moi, là, quand tu me dis ça, là, belle semaine, c'est comme lorsque je fais ma peinture, moi, là, pour me relaxer. J'arrive du travail, j'en ai rencontré du boudin, j'en ai rencontré de la babouche qui sourit pas, puis je me suis dit, voyons donc, c'est pas l'image de la population en général, c'est parce que j'ai un travail qui demande beaucoup de courage. Et le courage arrive pas avec la paye. Malheureusement, ça vient pas avec. Moi, vous savez ce que je fais comme métier? Vous savez... Arrêtez de discuter entre vous, là. C'est pas une question à 1000 $, là. J'allais dire 1000 euros. Comment ça, t'allais parler d'euros? Ben, je sais pas. En fait, j'ai une petite... il y a des émissions de... Je sais pas si ça existe encore. C'est la question à 1000 euros ou à 200 francs. Je sais pas quoi. Anciennement, c'était des francs. Mais là, 2 euros, mais ouais, c'est... Mais qu'est-ce que tu dis là? Il y avait des émissions, puis en plus, Tandem de Patrice Lecomte, l'extrême, le film, comment tu dis extrême? Hey, calme-toi un peu, toi, là. Un film exceptionnel, extrêmement intéressant, Tandem de Patrice Lecomte, avec Rochefort, et c'est pas Leblanc, comment que c'est? Jaco? Non, Jaco, c'est un chanteur. Et Michel Blanc. Est-ce que c'est... Non, c'est pas Michel Blanc. Non, c'est pas Michel Blanc, c'est l'autre, là. Et monsieur, donc, comment... Il faudrait que je fasse prendre mes renseignements là. J'ai pas de tablette, rien. Patrice Lecomte. Gérard Jugnot. Extraordinaire. Un film qui raconte l'histoire du bonhomme qui faisait des émissions de radio, un quiz radiophonique en tournée. C'est vrai, en grande partie, c'est inspiré de ça. Mais c'est vrai, c'est inspiré de ça. Et c'est tellement bon. La trame sonore, sublime. Grand, grand réalisateur, Patrice Lecomte. Malheureusement, je l'ai perdu en chemin. Pas l'idée, mais Patrice Lecomte, il y a des choses que je ne suis plus de près comme avant. Et ça en fait partie. Il faudrait que je m'y active, là. On dirait que depuis quelques années, là, j'ai perdu un peu le sens de l'humour. C'est pour ça que j'ai le sens des affaires. Je m'en souviens et j'en suis fier. Je n'ai qu'un seul regret. Je ne connais plus vraiment la filmographie de Patrice Lecomte. Mais qu'est-ce que tu veux, mon con? Dans la vie, on fait ce qu'on veut. Mais à un moment donné, on ne veut plus la curiosité. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour. Sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je sais pas ce que j'aurais voulu faire. Si tu veux, mon vieux, dans la vie, on fait ce

Boom 2, L'étudiante. Hey, là, les gens vont dire qu'ils connaissent toute la biographie de Sophie Marceau. Ben oui. J'ai bien le droit, moi. J'ai le droit. Est-elle encore? Hey, là, on va faire des enfants du parlant. On va parler d'artistes un peu comme des revues à potins, là. Est-elle encore avec le chanteur, comédien, là, avec le Cyrano contemporain, Lambert Wilson? Pourquoi tu dis Cyrano? Ben, tout simplement parce que il a le nez gainsbourgeois et je trouve ça intéressant. Il se démarque, ce gars-là. Puis il a une voix radiophonique. J'espère qu'un jour, en fin de carrière, là, je sais pas, là, s'il n'y a pas d'appel de réalisateur. Et monsieur, c'est qui ça? C'est des gens qui réalisent, ça? Ou des scénaristes, quand il n'y a plus rien. Johnny Cage! Johnny Cage and the Tennessee Three! Cole Burton, the Carter family, the Stafford brothers, the fabulous Johnny Cage! It's good to be with you. June said she knew there'd be some people from the South here tonight because some of you guys get out here in California, that place is so crazy, you just got to get something to eat some way, don't you? That's right. I'm glad to see you again. Wanted man in Buffalo, wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio, wanted man in Mississippi, wanted man in old Cheyenne. Wherever you might look tonight, you might see this wanted man. I might be in Colorado or Georgia by the sea, working for some man who may not know at all who I might be. If you ever see me coming, and if you know who I am, don't you breathe it to nobody, cause you know I'm on a lam. Wanted man by Lucy Watson, wanted man by Jeannie Brown, wanted man by Nellie Johnson, wanted man in this Texas town. But I've had all that I wanted of a lot of things I had, and a lot more than I needed of some things that turned out bad. To get myself a map, went the wrong way into Juarez with Juanita on my lap. Then I went to sleep in Shreveport, woke up in Abilene, wondering why the hell I'm wanted at some town halfway between. Wanted man in Albuquerque, wanted man in Syracuse, wanted man in Tallahassee, wanted man in Baton Rouge. There's somebody set to grab me anywhere that I might be, and wherever you might look tonight, you might get a glimpse of me. Wanted man in California, wanted man in Buffalo, wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio. Quand le téléphone ne sonne plus, on dit ça, les comédiennes, les comédiens, le téléphone ne sonne plus. Mais quand ça ne sonne plus, Lambert, tu t'es proposé à la musique, c'était incroyable, intéressant. Pas incroyable, mais intéressant. On va se limiter un peu. Mais là, fais de la radio. Avec une voix comme ça, j'écouterais du Lambert Wilson. Lambert Nelson. Mélodie, non, ça c'est Mélodie Nelson. C'est Lambert Wilson. Voyons donc. Tu t'appelles comment? Mélodie. Ouais, mais Mélodie, c'est pas une fille. Oh, excuse-moi. On va recommencer. Tu t'appelles comment? Mélodie. Mélodie comment? Mélodie Wilson. OK. Ça donne, hein? Ça donne une trajectoire haute que... Tu t'appelles comment? Mélodie. Mélodie comment? Mélodie Nelson. Version québécoise. Hein? Version du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hey, tu t'appelles comment? Hey! Non, c'est pas gentil. Non, non, non, je veux pas. Non, non, non, non. Vous êtes mes amis, on vous aime. Il y a beaucoup d'expatriés là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'Abitibi, du Népal, du Nebraska, qui viennent à Québec travailler. Bon, on vous aime, on vous embrasse, on vous imitera pas, là. Mélodie Nelson, à la japonaise. Tu t'appelles comment? Comment? Oh, c'est une blague, c'est une blague. Bon, je vais arrêter là. Faut pas dire du mal des gens. Par exemple, faut pas dire du mal des docteurs. Parce que des fois on est malade et on en a besoin à la rigueur. Si on est de constitution robuste et qu'on y va pas souvent. Casser des œufs, renverser des barrières. Pour finir tout son vin, insulter sa bouchère. Pendant qu'il y en a à jeun, pendant qu'il y en a à Périgueux. C'est pas bien, non c'est pas bien. Faut pas frapper les chiens, ni les grands-mères. Parce que des fois se retrouve célibataire. Et le chien battu se laissera pas faire. Et puis faut pas faire de bruit le soir parce qu'il y a des gens qui regardent la télé. Alors mets-lui une muselière. Oh mais même, oh mais quand même, c'est pas bien. Non c'est pas bien. C'est mal casser des œufs, renverser la litière. Pour dire bonjour aux enfants, mettre ses coudes sur la table. Pendant qu'il y en a un qui baisse les bras, pendant qu'il y en a un qui serre les poings. C'est pas bien, non c'est pas bien. Faut pas donner de l'argent aux hommes politiques, salauds. Parce que après ils font que des guerres, où ils jouent en bourse avec à la rigueur. En donner mais pas beaucoup, parce que quand même ils sont utiles. Oh mais même, oh mais quand même, c'est pas bien, non c'est pas bien. Pense à ces enfants qui souffrent, à ceux qui sont sur les genoux, à leurs parents qui ont même plus de beurre, à ceux qui sont au bout. C'est pas facile pour eux, ouais, c'est trop facile pour nous. C'est pas bien, non c'est pas bien. C'est mal casser du vieux, renverser sa litière. Pas dire bonjour aux gendarmes, mettre des vaches à l'étable. Pendant qu'il y en a qui ont rien à traire, pendant qu'il y en a qui sont à jeun. Y'en a qui sont à jeun. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Vous avec moi. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Pour finir avec les gros lots, là. Putain, enculé, ma... Sa beauté... Putain, enculé. Maintenant, je vous invite à entendre la femme du 7e art, celle que je prends un vilain plaisir à revoir le plus souvent possible. Nous allons parler de bien des choses de la vie. Ma douce et belle amie, Stéphanie Girard. Tu cuisines, il regarde. Vous lisez la presse dans un bain. Vous parlez un peu d'elle. Il te dit que ça lui fait mal de briser leur image de parents face à ses gamins. Et tu l'attends, tu as confiance. Car un jour il sera ton régulier. tu comprends ses doutes, tu comprends qu'il tarde un peu à être à toi, rien qu'à toi comme il te le jure. Il va franchir le cap, il va lui dire pour vous deux, pas dès demain, non mais bientôt. Il en est sûr, il te supplie d'attendre alors que tu ne fais que ça depuis bien trop longtemps. Attention, tu vas le quitter, oh c'est trop dur pour lui. Et toi qui ne le comprends pas, tu ne veux plus l'entendre. Oh tiens, ça y est, tu l'as quitté. Tu le prouves et tu sens bien qu'il est mordu. T'es amoureuse de lui et lui de toi, tu en es sûre, trop de choses te le prouvent. Mais à partir de 50 ans, tu trouves plus de boulot. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de 50 à 65 ans? Moi, je veux bien bosser. Hein. Moi, je suis en forme. J'ai toujours mon cerveau. Non, j'ai de l'expérience. Ouais. Mais tu peux être en forme à 75 ans aussi. Ben oui. Une réalisatrice, un réalisateur n'a jamais d'âge. Tu peux. Faut quand même avoir la santé, tu vois. Mais pour le coup, la production. T'as des producteurs qui ont 82 ans. Oh, oui, quand oui, même. Mais c'est juste parce qu'on ne veut pas les payer. Oui, mais Aznavour a monté sur scène jusqu'à 90. Ouais. Oh, Brigitte Fontaine, tient après la rampe. Ah, ben, carrément. Ben oui. Oui, non, mais c'est ça en plus. Non, mais voilà, mais c'est qu'à un moment donné, quand même, ils n'ont pas l'outrecuidance de dire avec l'expérience que t'as, tu as. Moi, j'ai vraiment bossé dans tous les domaines. Je fais de la régie, je fais du montage. Tout azimut. Donc j'ai une expérience vraiment polyvalente et je peux vraiment parler à tous les gens depuis l'écriture jusqu'à la fin de la post-prod. Ils n'ont quand même pas l'outrecuidance de ramener ça à 3000 euros. Ils n'osent pas. Mais c'est scandaleux. Hein. Mais du coup, ils vont prendre quelqu'un qui aura moins d'expérience. Bref. Mais du coup, moi, mon expérience, j'en fais quoi? Si je ne peux pas gagner ma vie avec, tu vois, ça sert à quoi? Du coup, je recommence à zéro ailleurs. Mais lorsque tu as encore des étudiants au cinéma, est-ce qu'on est venu te chercher ou c'est toi qui as répondu à une annonce? Ah non, mais ça, le cours Florent, je le fais depuis plus de 20 ans. Okay. En fait, c'est toujours, il n'y a jamais d'annonce, hein, tout ça, mais c'est par nous, dans la, entre nous, on se le dit, on dit, ça recrute. Moi, le plan du cours Florent, je l'ai donné à plein de copains qui l'ont fait pendant un temps, qui ont arrêté, qui sont revenus. OK, une fois c'est toi, une fois c'est un autre. Oui, okay. C'est, on se passe le mot. On se dit, parce que, et voilà, c'est comme ça, il y a du boulot pour tout le monde, en fait. C'est pour combien de temps? Hein? Normalement, c'est quoi? C'est pour une. Alors, ça dépend, tu vois, les stages d'été, c'est une semaine, deux maximum dans l'été. Et après, dans l'année, ça dépend des modules. Quand tu interviens vraiment avec les classes de deuxième année cinéma ou troisième année, ça dépend des modules. Ça va de 2 mois, mais c'est pas toute la journée. Hein. C'est 3 heures le matin ou l'après-midi. Et ça va de 6 semaines à 4 mois. Okay. Bon, alors, tu peux garder ta classe maximum 4 mois. C'est quand même assez précaire parce qu'après 4 mois, c'est terminé. Ah oui, de toute façon, dans tous les cas, tu n'es pas embauché. Tu n'es jamais embauché comme un professeur à l'année. C'est compliqué là aussi. Ouais. Bah oui, bien sûr, parce qu'à la fois ça demande beaucoup de disponibilité. Donc moi c'est aussi pour ça qu'il y a des années où je ne l'ai quasiment pas fait, parce que justement les années où je bossais pour TF1, j'avais pas le temps. Puis là, tu es obligé aussi de rendre compte à la journée que l'on te dit, exemple lundi matin de 9h. Oui, oui. Si tu as quelque chose, tu décales. Ben, c'est ça. Okay. Pour un salaire qui n'est pas si. Non, qu'un salaire, moins important qu'un salaire de réel. Mais bon. Et puis après, ce que j'ai fait aussi, j'essaie de dire tout ce que j'ai fait depuis. Non, mais par exemple, cet hiver, j'ai fait un truc que j'avais pas forcément fait, ou en tout cas pas depuis longtemps. J'ai tourné des petits films institutionnels pour le web. Pas du tout de la fiction, là, pour le coup. Mais pour l'hôpital Robert Debré, pour la cellule de pédopsychiatrie qui s'appelle Clepsy, ils ont un site qui s'appelle Clepsy. Et en fait, avec, ils font des fiches pratiques pour les parents d'enfants autistes, dépressifs, tout ça. C'est l'hôpital Robert de Brest, c'est un hôpital pour les enfants. Donc ça s'arrête à 15 ans. Et tu as réalisé ? Oui, j'ai réalisé des petits comme ça, de conseils aux parents. Alors, il y en avait, c'était une mise en situation avec des enfants autistes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et il y en avait d'autres, c'était le médecin qui parle face cam et qui dit ce qu'il faut faire. Il y a des petites animations dessus. Et toi, tu fais une recherche ou c'est les médecins qui non, ont déjà... Non, c'est les médecins qui écrivent tout. Parce que c'est vraiment, ils savent vraiment exactement. Est-ce que c'est bien ? Ah, c'est super. Ouais. Ah non, c'était super intéressant. Mais c'était non, mais super intéressant. Aussi, hein, t'apprends, c'est bien. Le documentaire, c'est ça. Hein. Bah, là, j'étais plus... c'était pas que technicienne quand même, parce que t'as un côté chef d'équipe, tu vois, d'arriver à faire travailler tout le monde ensemble, les techniciens avec l'équipe, avec les enfants et mais tout ça. Mais c'est toi qui coordonne ça. Ouais, okay. Ouais. C'est toi qui reçois tout seul qui met ça dans... Oui, alors, on a des textes très précis, hein, parce que du coup, c'est vraiment des... C'est vraiment des petits protocoles à suivre. Donc ça, c'est vraiment les médecins qui les écrivent. Mais non, c'était très intéressant parce qu'en fait, finalement, c'est... Moi, j'ai quand même nourri le truc dans le sens où comme je suis une maman, mais pas... Je touche du bois d'enfants qui n'ont pas de problème. Du coup, je réagissais comme quelqu'un de l'extérieur, tu vois, et à un moment donné... Par exemple, quand on a travaillé sur les enfants, enfin avec des enfants autistes non-verbaux, c'est-à-dire de moins de 5 ans, moi j'étais très choquée parce qu'ils ne leur expliquaient pas ce qu'on allait faire, ils ne leur parlaient pas. Moi, les enfants, à peine ils étaient dans mon ventre, je leur expliquais tout. Ouais. Je leur parlais, j'échangeais. Mais là, tu parles des médecins, tu ne parlais pas de... Ouais. Okay. Oui, oui. Mais peut-être que les parents de leur côté en parlent. Non, mais c'est pas que ça. Okay. Moi, du coup, je l'ai dit. Okay. Je l'ai dit au médecin après la séance, tu vois, la séance préparatoire. J'ai dit, mais excusez-moi, mais pourquoi vous leur parlez comme ça ? Pourquoi vous expliquez ça ? Et en fait, c'est un stade de développement de l'enfant autiste, plus ou moins atteint, mais de toute façon, où si tu dis trop de mots, il va pas en retenir un seul. Donc si tu veux qu'à un moment donné... En fait, l'idée, c'était que les enfants apprennent à demander de l'aide, parce que ça ne leur vient pas naturellement. Et du coup, il fallait juste un mot. Genre, s'ils voulaient la voiture, il fallait mettre « voiture », comme ça, et c'est tout. Et du coup, comme je leur ai fait ce retour de mamans, d'enfants qui n'ont pas de problème, ils ont rajouté une petite vignette dedans, justement pour expliquer ça. Ne noyez pas votre enfant autiste non-verbal dans trop de mots. Choisissez-en un qui puisse répéter après à l'avenir pour vous demander de l'aide. Et tu vois, ça c'est intéressant comme genre d'échange. Oui, parce que toi, tu connais pas non. Le sujet. Non. Donc, comme spectatrice vierge devant le documentaire ou devant le... Oui. Ouais, le documentaire, tu as un questionnement et tu t'imagines qu'ils font mal, ne sachant pas que le médecin sait bien que... Non, c'est pas qu'ils imaginent qu'ils font mal. Je me dis, il y a une raison, mais moi, ça me choque en tant qu'être humain. Oui, oui, c'est ça. Je me dis, c'est pas possible de ne pas parler à un enfant. Oui, puis là, le médecin a l'air plus austère, a l'air oui, plus oui, aussi, sans aussi, cœur. Mais là, quand il te raconte pourquoi, mais là, tout s'éclaire. Même si tu ne dis rien quand on ferme les yeux, si tu ôtes ta main de mes cheveux, tu ne m'écris pas quand je te manque quelques heures, si tu ris quand je crois toucher ton cœur. Même si tu es épris de grande liberté, toi qui n'as pas appris à la dompter, si tu ne m'appelles pas quand il n'y a pas de raison, si tu ne rentres pas à la maison. Étages de la tour, je te cours et toi, tu m'échappes encore. Je te cours comme un damné sur des rives abandonnées. Je te cours et toi, tu m'échappes encore. Même si tu n'es pas homme, aimé. Si tu doutes parfois qu'on se ressemble, même si tu ne dis rien quand on ferme quand même ça a une légitimité parce qu'en fait les parents d'enfants autistes ils savent pas non plus ce qu'il faut faire, c'est pour ça qu'on leur fait des vidéos et que eux ils peuvent se dire aussi comme moi, ils peuvent aussi avoir le réflexe de trop dire de mots à leur enfant et c'est contre-productif. On peut le voir sur internet? Ouais. Ah, je vais le regarder. Ouais. Ah, c'est cool. Et je vois ça sur quel site? Le site Clepsy. Ok. Clepsy. Alors, faut un peu chercher parce que en fait c'est d'abord des fiches écrites. Quand tu rentres dans les fiches écrites, tu trouves les vidéos. Okay. Là, tu vas naviguer, tu vas voir. Mais de toute façon, même les fiches écrites, elles sont super intéressantes. Okay. Et tu vois, l'autre, c'était parce qu'en fait, avec les réseaux sociaux plus le confinement, il y a beaucoup plus de passages à l'acte suicidaire chez les ados entre 10 et 15 ans qu'avant. Les réseaux sociaux, c'est à cause du harcèlement. Et puis le Covid et tout ça, les confinements, ça a amplifié ça et puis ça a créé des vraies dépressions. Enfin, ça fait des dépressions. Donc ça, c'est les médecins qui parlent face caméra avec des petites animations infographiques. Et c'était intéressant aussi parce que pareil, on a pu échanger sur les choses à faire ou à pas faire. Des fois, tu as des mauvais réflexes. Tu vois. Et par exemple, le mauvais réflexe, ce serait de ne pas parler à son enfant qui a des idées suicidaires du suicide, en craignant que ça le pousse à passer à l'acte. Et eux, ils te disent non, au contraire. Et en fait, après, ils te proposent un protocole. Justement, à partir du moment où tu en as parlé, tu peux demander à l'enfant ce qui pourrait l'aider. Et du coup, tu fais des listes. Pour s'en sortir, pour ne pas passer à l'acte. Voilà, pour ne pas passer à l'acte. Et du coup, tu peux établir des listes de choses qu'il peut faire pour changer d'idée, pour changer les idées. Ou des listes de gens qu'il peut appeler, qui sont au courant. Et ce n'est pas appeler à l'aide, mais c'est appeler pour passer à autre chose, en fait. Et tu vois, alors que toi, ton réflexe, ce serait de dire « Oulala, je ne veux surtout pas parler du suicide. » Mais ça, c'est du réflexe. Ça, c'est un réflexe. C'est dingue, hein? Ouais. Et en fait, ça, c'est contre-productif. Voilà. Oui, mais en même temps, tu sais, tu es une intellectuelle. Tu n'es pas une manuelle. Tu n'es pas une... Donc, tout le monde se... arrive au même constat, hein, sans le savoir. C'est comme si c'était quelque chose que, ben, on n'en parle pas non plus. On n'en parle pas. Tu sais, il y a une femme au Québec qui s'appelle Jeannette Bertrand. Ouais. Et qui a aujourd'hui 94 ans. Et qui dit, peut-être même 95, et qui dit, moi, je veux pas aller dans une maison de personnes âgées. Hey, t'as-tu entendu la chanson de Michel Jonas? Oui. Là-dessus? Oui. C'est incroyable. Chef de poule. Et j'en parle. Et puis, est-ce que tu l'aimes, la chanson? Oui, oui. Ouais. Et sur scène, c'est encore mieux. Puis, elle ne veut pas être dans une institution parce que elle veut pas vivre avec des problèmes de vieux, avoir une discussion de vieux, jouer au bingo. Elle veut continuer à lire, à écrire. Et puis avoir des jeunes. Oui, pas des gens de tous âges, exactement. En fait. Et au Québec, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des... il y a des centres de personnes âgées, on appelle ça comme ça, je ne sais pas, qui se trouvent dans le même édifice que des garderies. Oui, nous aussi on fait ça. C'est pas assez répandu, mais il y en a, et c'est super. C'est super aussi pour les gamins. Hein, oui, ben oui, la transmission. Ouais. La transmission, c'est... Oui, puis souvent les enfants, ils vivent loin de leurs grands-parents, ça leur manque, enfin tu vois, c'est... Oui, oui. Puis il y en a aussi à travers ça que les grands-parents sont décédés. Et voilà. Nous, il y a des nouveaux trucs aussi qui sont des résidences, mais tu vois, comme des hameaux et chacun vit chez soi, mais il y a une maison commune avec quelqu'un qui est responsable, avec un aide-soignant, tu vois, qui est là. Ouais. Et du coup, bah, t'es pas tout seul, mais t'es chez toi. Ouais. C'est pas mal. Chez nous, il existe un truc, c'est un collier. Si tu tombes, tu te prends sous le collier. Ou si t'es plus à la verticale, t'es à l'horizontale. Et il y a aussi des maisons. Et ça, c'est le chemin qu'on a choisi. On se procure une maison, c'est une maison multifamiliale. Donc, ben là, ma mère n'est plus là, mon père est décédé. Mais ma mère est restée là jusqu'à presque la toute fin, avant qu'elle soit vraiment très, très malade, très peu démence et l'Alzheimer, ça, tu dis. Et donc, ma soeur travaillait deux jours, donc elle s'en occupait le soir. Moi, je travaillais de nuit, donc je m'en occupais deux jours. Et tout le monde mettait... puis moi, j'habitais dans le gros quartier du Québec, comme j'en dis au jour de la 5, j'ai quitté mon vieux Québec. J'étais avec une personne dans une commune. Ouais. Pour, mais c'est bizarre de dire une commune dans les années 90. Mais, et pour ma mère, pour continuer. Là. Et mais c'est un choix, c'est un choix. Ouais. Donc elle est restée chez elle, en fait. Ben, jusqu'au moment où elle a fait une crise de cœur silencieux. Sans aucun signe. elle s'est presque affalée. C'est un petit Yorkshire qui l'a tenu en vie en sautant sur ses jambes pour la réveiller. Et elle voulait pas qu'il grimpe, donc l'action là. Et après, ça s'est retrouvé à l'hôpital, ça a pris 3 ans et demi, elle est décédée pendant que j'étais là. Mais... Donc, toi, le travail que tu fais, c'est aussi un apprentissage pour... c'est une école. Oui, non, mais en tout cas, moi, je suis venue au cinéma, où, tu vois, à la réalisation, parce que je me dis, chaque projet, ça te permet de découvrir des univers différents. Et effectivement, il n'y a pas que la fiction, évidemment. Mais tu vois, même quand j'étais assistante à la réalisation, j'adorais... je suis très vite devenue assistante polyvalente, on va dire. Par exemple, je me suis retrouvée sur un film où à la fois je m'occupais du casting régional, du casting figure et d'organiser en fait toute la partie box. Il y avait une séquence qui se passait dans le milieu de la box. Ça m'a pris 6 mois. Il y a combien de temps? C'était il y a très longtemps. Quand j'étais encore assistante, c'était il y a 22 ans, quelque chose comme ça. Pendant Rocky? Ouais. Non, à peu près. Mais en tout cas, c'était super parce qu'en fait, moi, toute seule, je ne me serais pas intéressée au milieu de la boxe, par exemple, tu vois. Et là, c'était génial. C'est-à-dire que j'ai pris rendez-vous à la Fédération française de boxe. Donc, je leur ai expliqué le projet, tu vois, qu'est-ce qu'on voulait, de quoi on aurait besoin, comment ce serait possible avec eux, tout ça. Là, ils nous ont écoutés. Et puis, à un moment donné, ils m'ont dit, allez voir tel match. Et en fait, quand je suis arrivée au match, donc ils m'ont filé des invites, quand je suis arrivée au match, tout le monde était déjà au courant. Tout le monde était au courant? Ouais, tous les entraîneurs et tout. Et il y en a un qui est venu me voir. Sauf toi. Tout le monde savait qui j'étais, pourquoi j'étais là et tout. J'ai rien besoin de dire. L'entraîneur qui est venu me voir, qui s'est mis à côté de moi, et il m'a expliqué tout le match, tu vois, toutes les règles et tout ça, qui était qui, nanana. Après, évidemment, quand c'était son poulain qui jouait... C'était un vrai match. Hein? C'était un vrai match. Ouais, c'était un vrai match. Donc, je suis allée comme ça à plusieurs vrais matchs, plusieurs entraînements. J'ai fait des castings de boxeurs, parce qu'il fallait qu'ils jouent la comédie aussi. Quand c'est... Et après, je me suis greffée sur une vraie rencontre de boxe. On a demandé aux spectateurs de rester une heure de plus. On a fait un faux match. Pour faire l'ambiance. Ouais. Bah ouais, pour faire faux match. Ouais. Et pour avoir le public, pour ne pas avoir à le payer. Surtout parce que ça coûte trop cher. Et c'était tellement drôle à faire. Enfin, c'était hyper intéressant. Enfin, je suis allée voir les pesées. Non, mais c'est difficile. Comment le coup de poing, il boxe vraiment. Ah bah oui. Mais toi, t'es quoi? T'es entre les deux? Non, mais c'est fou. Est-ce que tu demandes au boxeur, OK, moi, je suis la caméra, alors tu boxes vers moi? Alors ça, moi, je faisais pas la mise en scène. Avec la caméra. Je donnais tout ce que j'avais organisé au metteur en scène et au chef-op et se débrouillait après. Mais tu vois, par exemple, c'était super drôle parce que on n'avait pas prévu de gants de combat. C'est pas les mêmes gants pour l'entraînement que pour le combat. Non, du coup, il a fallu que j'aille récupérer dans les combats d'avant les gants de combat, qu'on les rescotche et tout. Oui. Parce qu'en fait, on leur scotche et après on les découpe. Oui. On peut plus s'en servir. On a rescotché, nous. Mais en tout cas, j'ai découvert tout un truc et tout un univers avec des gens incroyables. D'humanité, bon, après c'est aussi un business, hein. Avec des petites magouilles et tout, mais les gens, à partir du moment où tu montrais patte blanche, c'est genre les milieux très fermés, mais aussi tu montres patte blanche et que tu es accueilli, tu es accepté, après c'est, tout est ouvert, tout est possible. Tant que tu comportes bien. Les frères Acariès, c'était des joueurs en France, un est très vite devenu entraîneur et l'autre ensuite le petit frère. Et donc après, c'est devenu vraiment la team Acariès, c'est un sacré truc en France. Et en fait, il m'accueillait, il me disait « Ouais, Chirère !» Tu vois, comme si je faisais partie de la famille. Et en fait, il me disait, mais c'est parce qu'en fait, quand j'étais jeune, je connaissais un Girard. Et tu sais, comme si j'étais un copain, en fait, un pote. Et c'est super drôle, tu vois. Donc, moi, c'est toujours ça qui m'intéressait aussi. Enfin, évidemment, c'est pour faire du cinéma. Mais il y a quand même aussi ce côté de curiosité, tu vois, d'être tout le temps dans le même bureau, en train de faire les mêmes trucs de dossier, de paperasse. Franchement, j'aurais pas pu. Je suis capable de le faire, mais c'est pas la vie. Et trouves-tu que ça enlève des préjugés aussi? Ah, mais carrément. Si tu avais des préjugés sur la boxe. Ah, bah oui. Parce que c'est très macho la boxe, c'est très machiste. Écoute, moi j'étais une fille et j'étais super accueillie. Ah, oui, moi je vais dans des galas de boxe pour le plaisir de voir de la boxe, mais aussi pour le côté sociologique de la boxe. Oui. C'est machiste. Jeune fille avec sa pancarte, chez nous c'est ça. Ah oui. La pin-up. Ah oui. Ah oui, à ce point-là. Oui. Puis là, les gars, quand c'est des combats de femmes. Le discours qui est en arrière de ça, là, sociologiquement, là, moi, quand j'en parle à mon émission, c'est je paye cher parce que moi, je suis en avant. Ouais. Je paye 220$. Ouais. Mais il n'y en a pas souvent des cartes de boxe. Mais là, depuis la COVID, tout est arrêté. Ouais. Là, mais je suis allé à 5 professionnels. C'est le discours, c'est l'environnement. Quand tu rentres, ça... Écoute, on dirait que t'es devant des... C'est très phallique, c'est très... C'est un peu les gladiateurs, il y a le côté comme ça. Et puis souvent, c'est des gens qui, s'ils ne font pas de la boxe, ils ne s'en sortent pas. Oui. Ah, mais ça, c'est le préjugé. Ça, c'est peut-être la phrase qui revient plus souvent, Tu vois, par exemple, toutes les salles de boxe dans lesquelles les gens émergeaient, elles étaient en banlieue. C'était que des salles de boxe en banlieue. Mais c'est intéressant aussi d'y aller. Oui. Non, mais les filles... Souvent, quand tu entends des animateurs présenter le match, parce que c'est une fille, elle frappe n'importe comment. Non, ben non. Mais voyons donc, c'est très bien fait. C'est des préjugés. Alors en France, je ne sais pas trop, parce que moi, de toute façon, sur ce film-là, il fallait un homme. Donc je me suis intéressée qu'à la boxe homme. Et aussi, à l'époque, la boxe féminine était moins développée. Mais il se trouve qu'en France, maintenant, on a des grandes championnes. Oui. Alors je pense que c'est quand même un peu différent. Mais tu vois, par exemple, sur sexisme, je ne sais plus quand c'était, je crois que c'est dimanche. Le Parisien a titré, tu sais, c'était Wimbledon en tennis. Oui, oui. Parisien a titré, plus aucun Français à Wimbledon. Il restait 3 filles en compétition. Le tennis, bah, après, ils se sont fait virer quand même, mais n'empêche qu'au moment où ils... Il reste 3 filles, c'est ça? Allez, à ce moment-là, il en restait 3. Donc quand ils ont titré, plus aucun Français à Wimbledon, ça faisait fi du tennis féminin. C'est hyper violent, je trouve. C'est hyper choquant. Est-ce qu'elle en parlait à la radio? Non, c'est moi. C'est moi. J'ai vu les titres du Parisien. Ouais. Je savais que c'était faux parce que moi, je suis le tennis. Ouais. J'aime ça. Ouais. Et et j'étais super choquée. Mais t'as-tu fait un papier? T'as-tu fait quelque chose? Non. Là, je peux pas tout faire. Ouais. Non, mais des fois, sur l'inspiration, ça peut prendre 15 minutes. Oui. Non, mais... Oui, peut-être sur les réseaux sociaux, j'aurais dû mettre un truc, parce que c'est juste une... Bah ouais, j'aurais dû, parce que vraiment, c'est pas possible d'entendre ça. Si personne ne dit rien, bah ouais. C'est sûr, puis après ça, c'est les commentaires que tu vas recevoir, des machistes. Ouais, je sais bien. Mais si tu dis rien... Oui, mais t'as aussi pas... C'est vrai que ça prend sur les commentaires, t'en as 90% qui sont odieux, et puis t'en as 10% ou plus, peut-être, qui soutiennent aussi. Oui. Faut aussi trier. Et il y en a aussi à travers ça qui ne l'avaient pas vu. Oui, et ça va sensibiliser. De l'éclairage que tu leur as. Ouais. Mais tu vois, c'est incroyable qu'en 2022, on en soit encore là, avec tous les mouvements MeToo et tous les gens qui disent « Oh, ras-le-bol des féministes et tout ». Oui, mais au Québec, il est arrivé quelque chose pendant la COVID, même un petit peu avant. C'est qu'il y a un site Internet sur Facebook qui est anonyme, mais là, il y a eu ils ont légiféré là-dessus, puis ils n'ont plus le droit d'être anonymes. Ça va peut-être s'arrêter un peu. Oui, parce que on n'a plus le droit à cause des faux profils, ben des haters. Oui, mais l'histoire, c'est que c'est un site Internet où tu peux raconter les abus sexuels que tu as eu avec quelqu'un de connu. Wow. Alors, ouais, c'est balance ton porc, mais grave. C'est ça. Exemple, il y a un ministre du Bloc québécois qui a été accusé d'harcèlement sexuel. Pas de nom, rien. Il a dû se retirer avec sa famille, faire une conférence de presse. Il n'y a rien fondé là-dedans. Oh, wow. Et il y a des artistes, plusieurs artistes québécois. Certains ont été réprimandés, ils ont fait des recherches, mais d'autres, tout à fait gratuitement, juste parce que tu n'aimes pas le chanteur, peut-être que c'est pas, mais qui ont été ramassés. Et il y a Yann Perrault, qui est un chanteur québécois, qui lui, a dit c'est vrai, je m'excuse infiniment, j'ai suivi une thérapie. Ah ouais? Mais ça, c'est bien. Mais il a perdu sa maison de disque, là, je suis jeté. C'est. Là, il recommence à zéro. C'est dommage pour lui parce que ça aide pas les autres à faire pareil. En fait, c'est bien ce qu'il a fait, de le reconnaître, de se faire suivre. Enfin, faut pas qu'il recommence, mais du coup, si tu lâches ceux qui font l'effort de reconnaître que oui, et qu'ils n'auraient pas dû, et que, qu'ils comprennent en fait ce qu'ils n'ont pas bien fait, c'est pas comme ça qu'on change une société en fait. Non, mais c'est aussi un site insidieux, tu sais, parce que tu peux pas te nommer, tu peux cracher sur n'importe qui. Ouais, non, c'est pas vrai. Tu sais, tu m'aimes pas, tu peux dire, ah ben le gars, tu sais, KRL, bon, tu sais, puis il y a personne. Non, mais c'est vrai. Comment tu penses? Non, mais en France, on a vraiment la présomption d'innocence. Je n'attendais rien, je n'attendais personne. Je posais mes mains au hasard des personnes. La peau facile et le cœur à la traîne. Des indociles, j'étais la reine. Je n'attendais rien, je n'attendais personne. Pendant les va-et-vient, je comptais les klaxons. Un jour, un soir, il a brisé ma glace. Sans le savoir, il a trouvé sa place. Bingo! Qui aurait pu dire qu'on volerait aussi haut? Qui aurait pu l'écrire? Ah ah. J'ai pas les clés pour la vie, mais je vais mourir avec lui. Personne. Tous les Parisiens me semblaient monotones. Avec son flair et sa forêt sauvage, il avait l'air de venir d'un autre âge. Je n'attendais rien, je n'attendais personne. J'ai plongé dans le bain où vont boire les lionnes. Et comme des fauves au coucher du soleil, j'ai pas Même les féministes, elles râlent parce que des gens dont c'est avéré, tu vois, dont il y a 50 personnes qui le disent, il y a la présomption d'innocence. Ouais. Mais en même temps, on y tient parce que c'est le droit, en fait. Ouais. Et après, nous, on est... je sais pas. T'as encore du temps, Reynald, ou pas? Si vous voulez boire un verre, si j'ai mes réservations qui arrivent après. Ok, toi? Moi, j'ai du temps. Mais... Ok, oui, oui. Oui, la même chose. Oui, la même chose. Oui. Oui. Oui, je vais pas te prendre toute ta soirée. Non, non, non, non, non, non, non, vas-y, non, non, non, non. Oui, tu sais ce que je disais. Mais. Oui, que même. Enfin, tu vois, même quelqu'un dont on sait qu'il y a prescription. Et qu'il y a 20 personnes qui disent, tu vois, qui ne se connaissent pas entre elles, qui racontent exactement la même chose, on sait que la justice ne pourra pas la voir, mais au moins, les gens le savent. Ah, les gens, la justice ne peut pas, même si le propos est véridique pour tout le monde, ils ne s'entrecroisent pas, ils n'en parlent pas, ils racontent ça. Pourquoi? Parce que en France, il y a la prescription, c'est-à-dire quand ça fait trop longtemps, les frais sont prescrits. Oui, chez nous aussi, ouais. Mais, et puis après, souvent, dans ces trucs-là d'agression sexuelle ou d'harcèlement, c'est parole contre parole. Il n'y a pas de preuve tangible, quoi. Puis surtout quand ça remonte à longtemps, tu vois. Ben, s'il y a eu l'acte, oui. Mais nous, on considère que le fait qu'il y ait autant de gens qui racontent exactement la même chose, qui rapportent la même chose à des années d'intervalle, enfin sur des années, ben ça, c'est une preuve en vrai. Oui, c'est une preuve, oui. Mais est-ce qu'ils peuvent revenir contre ça? Non, pas forcément. Bon, bref, mais en tout cas, oui, quand même, évidemment que c'est quelqu'un... Enfin, quelqu'un qui n'est pas reconnu coupable. Mais c'est fou, hein. On peut... Merci. Je ne veux pas non plus prendre la part. Merci. Il a vraiment hâte qu'on parte parce qu'il nous a servi immédiatement. Ça sent ça, hein. Mais, ouais, je veux revenir là-dessus. L'homme qui... Comme là, moi, je reste dans une auberge de jeunesse, mais là, je suis plus à trois parce qu'ils sont trompés, mais en tout cas, j'ai eu la moitié du prix. Ça me coûte 220 € pour... La semaine? Non, pour 10 jours. Ah oui? À cause de 10 nuits parce qu'ils se sont trompés dans la réservation. Là, je suis tombé dans une chambre de 3, une chambre de 6. Ah ouais? Et pendant 3 jours, j'étais dans une chambre de 6, mais ils me ramènent dans ma chambre de 3 après. Et là, aujourd'hui, OK, dans ma chambre de 3, il y en a un qui est parti. Donc, j'étais avec une jeune fille. Et je me disais, parce que, tu sais, ça peut être facile pour elle de dire que si c'est passé quelque chose, il n'y a personne qui... Ouais, c'est clair. C'est fou, hein? Ouais, ouais. Non, mais c'est... Non, en même temps, mais... l'homme, je veux pas non plus, le pauvre mec, comme là, mais on est souvent, les femmes, on comme j'avais une copine qui était très malade, puis elle m'avait accusé d'avoir battu. Mais c'est parce qu'elle avait une maladie psychiatrique. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle prenait beaucoup de médicaments, oui. Dont de l'activant. Je sais pas si tu connais cette merde. Son médecin devait l'arrêter après 4 mois, puis après 4 ans, elle en prenait encore. Puis elle accumulait, donc elle pouvait en prendre 60 par jour. Okay? Ah, moi, je la connaissais depuis 2 ans, c'était ma cliente. Et puis, donc, à un moment donné, ben là, ça s'est rendu plus loin, puis je suis rendu seul. Je me suis inclus dans sa vie amoureuse. Ouais. Mais j'étais dans le pire de sa vie à elle. Elle est morte aujourd'hui d'un ACV à 39 ans. Wow. Le jour de ma fête. Oh non! Oui, le 2 juin. Et on venait de se quitter, puis les policiers m'ont arrêté parce qu'elle avait dit que j'avais été violent envers elle. Et, mais l'histoire est que, après ça, quand les policiers m'ont arrêté, je suis allé faire une déposition, blablabla. Et là, elle m'a envoyé des messages, je vais effacer ça, c'était pas vrai, parce qu'elle voulait pas se présenter devant son roussi, donc il fallait qu'elle trouve une raison majeure, et se faire violenter, c'est une... D'accord. Bon, voilà. Et donc, j'étais le bouc émissaire. Et l'histoire dit que, une fois que je suis revenu chez moi, je ne pouvais pas rentrer en communication avec elle. Et elle a continué à m'envoyer des messages, alors je gardais ça, parce que ça m'aidait. Ouais. Et quand j'ai revu les policiers, parce que je m'en vais travailler, c'était l'hiver, je vais travailler à pied, et j'ai croisé, étrangement, la même voiture de police qui m'avait arrêté. Ah oui. Et ils sont deux par voiture, et il y en a un qui était avec le policier de l'époque. Okay? Puis là, ça faisait à peu près 2 mois que j'avais été arrêté. Et j'ai un peu sorti, j'ai sorti la journée même, là, ils voulaient juste prendre la déposition. Voyons, ça. La déposition. Et donc, là, il me dit, puis, comment ça se passe? Le cas, ben oui. Ben, j'ai dit, j'en ai aucune idée, là, j'ai pas une nouvelle, je passe en cours dans 3 mois. Ben oui. Et il m'a dit, garde fais-toi en cours. Le policier qui dit ça, je sais pourquoi. Ben, quand on l'a arrêté, elle a dit tellement de versions que ça se tenait plus. Ouais. Puis moi, quand j'ai dit, c'est parce qu'elle est tombée dans la douche et c'est moi qui l'ai relevée. Elle est tombée à 3 reprises et je l'ai relevée. Ouais. Et je suis parti parce que je ne pouvais rien faire. Aide-toi et le sel t'aidera. Et j'ai essayé de l'aider à plusieurs reprises pendant les 2 mois que j'étais avec elle. Puis je relevais tout ce que peu importe. Et puis à un moment donné, ben, elle avait plein de bleus. Et c'est pour ça qu'elle disait que je l'avais frappée. Et là, il dit, ça va passer comme tu meurs dans la poire. C'est une expression qu'il n'y avait pas. Ouais. On l'a dit tout aussi? Non. Non? On comprend. Alors ça va aller tout seul. Ouais, ouais, ouais. Et puis, une semaine avant de passer en cours, donc tu sais, pendant tout ce temps-là, j'avais l'épée de ma grande qui me fait bon. On m'a appelé et on m'a dit il n'y aura pas de convocation. Je dis pourquoi? Ben, parce qu'on a regardé, le juge a regardé, puis il n'y a pas matière à aller plus loin. Puis 2 mois après, elle est décédée pendant que j'allais voir un spectacle de Claude Dubois que tu connais. Voilà, c'est ça. Mais c'est fou, tu sais, un homme est tout seul avec une femme, il est présumé. Ouais, mais ça, Rénal, c'est pour toutes les années où quand on disait, nous, qu'on avait subi des trucs, oui, etc., oui, on n'était pas écoutés. Oui. T'allais chez les flics, ils prenaient même pas la plainte, oui, tu vois. Oui. Donc, c'est vrai que c'est toujours des périodes, ça part d'un extrême à l'autre, pas avant de se rééquilibrer. Enfin, faut souhaiter que ça se rééquilibre, la preuve en est que tu as passé un très mauvais moment, une très mauvaise période, mais que finalement, tu n'as pas été inquiété. Ah, non, ça, c'est quand même rassurant. Le petit voisin s'appelle Jocelyn, avec un P, avec un F comme dans Martine. Le petit voisin, il a un grain de sel ou bien de sable ou bien de caféine. Le petit voisin habite au-dessus de chez nous qui, évidemment, se ment dessous. Il prend des cours de jujitsu, mais n'est pas mauvais pour dessous. Et dans tout l'immeuble, crado mais sympathique, on se chicane, on se cherche, on s'engueule gentiment. Mais le petit voisin, il est total stoïque, et d'ailleurs, il s'en fout car il est étudiant. Petit voisin dans son T1 a des instruments assez rares et insolites, des percus, un masque malien, des cendriers et des gris-gris de bakélite. Il souffle dans un bout de bambou, un didgeridoo ou de pierre importe du Népal. Il joue à poser des embouts sur des bouteilles, puis l'aspire et devient tout pâle. Et dans tout l'immeuble, crado mais acceptable, on se chicane, on se cherche, on s'engueule calmement. Mais le petit voisin, il s'assied à sa table et il se roule un stick car il est étudiant. Entend le petit voisin, pour justifier sa bourse accordée par la fac, fait un saut hors de son T1 et intègre un amphi bondé comme un gros sac. Puis leur passé, il rentre au port, non sans avoir fait un détour par chez Bubu. Une petite partie de Fighting Simulator, mais pas plus de 4 heures, il faut pas d'abus. Et dans tout l'immeuble, crado, mais bon, ça va, on se chicane, on se cherche, on signe des pétitions. Mais le petit voisin, en lisant des mangas, rêve à des jours meilleurs, car il est étudiant. Sur le macadam citoyen, que l'on piétine quand on n'en peut plus de stagner, on voit passer le petit voisin, sous des bannières il se plaît à revendiquer. Et un peu plus de ci, moins de ça, un citino djembé devant la préfecture. Les causes perdues, les grands débats, on finit par tout faire flamber dans l'aventure. Et dans tout l'immeuble, crado est pas fini, on se chicane, on se cherche à s'en rendre malade. Mais le petit voisin, dans le panier à salade, commence à puis un jour le petit voisin ira pointer quelque part pour bouffer un peu. Il s'ennuiera et sera loin, le temps où il rêve savait que demain serait mieux. Alors, pour tromper l'amertume, comme à 18 berges en criant que ça suffit, il arpentera le bitume, rien ne changera, mais au moins ça dégourdit. Au moins ça dé, au moins ça dégourdit. Mais en même temps, je travaillais dans un SO, où on vendait de l'essence, SO, et j'étais dans le quartier des filles. Et quand il y avait quelque chose qui se passait, je travaillais de nuit, les filles pouvaient se faire agresser dans mes toilettes, mais de l'autre côté. Bon. Et je pouvais pas leur dire, parce que il y en a une qui m'a déjà averti au début quand j'ai commencé, j'ai fait 30 ans là, mais dans les premières années. Si jamais une prostituée, veux-tu que j'appelle les flics? Parce que les flics vont prendre la part. Ouais. N'a jamais appelé les flics, je dis qu'est-ce que je fais? Tu l'écoutes. Oui. Tu l'écoutes. Tu sais, j'étais psychologue sans le savoir. Ouais, c'est ça. Donc, tu l'écoutes. Mais il y en a une qui s'est faite vraiment agresser parce qu'elle voulait que le mec arrête parce qu'il avait. C'était trop énorme pour elle, puis elle voulait pas se faire déchirer, mais lui, il était déjà, puis il avait payé. Mais c'est fou, hein, c'est fou. Ouais. Il veut pas. Mais mets-en pas. C'est ça, je vais le mettre là. Donc, mais c'est ça, tu sais. Alors, il y a deux revers. Il y a les femmes, effectivement, qui se sont. Mais il y en a aussi qui jouent là-dessus. Ouais, mais honnêtement, c'est une minorité. Honnêtement, quand tu regardes. Mais après, oui, après, c'est vrai aussi que dans le système judiciaire français, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, si tu veux, quand je me suis séparée, on n'était pas prioritaire. Non, ce qui était prioritaire, c'était soit la mère défaillante, c'est-à-dire droguée, alcoolique ou dégueulasse, soit le père qui frappe la femme, ou l'inverse, tu vois, mais en tout cas, il fallait qu'il y ait une situation d'urgence. Ouais, c'est ça. Là, tu passais tout de suite. Et nous, en fait, comme on s'est séparés l'année du Covid, du confinement, la justice française a pris 6 mois de retard. Déjà que d'habitude, ça va pas vite. Donc, ça a pris 1 an, là où ça aurait dû prendre 4-5 mois. Et à un moment donné, le jour où on est passé, nous, en audience, dans la même salle de préparation, là où j'étais moi avec mon avocate, il y avait un monsieur qui disait à son avocat, un homme qui disait « Je comprends pas, elle a dit que je la frappais, je n'ai jamais frappé, je lui ai juste pris le bras une fois comme ça pour la retenir et tout, et c'est tout. » Et son avocat lui disait « Non, mais elle a dû dire ça pour que vous passiez plus vite. » Tu vois, c'est dingue, hein. On est obligé d'arriver parce que sinon tu restes dans des situations compliquées pendant 1 an, 2 ans. Ça, c'est des effets pervers, non, en fait, de la loi. Mais pourquoi ça passait devant la cour? Tu pouvais te séparer sans passer devant la cour? Non, parce que nous, on avait des biens en commun, la garde des enfants, tout ça. Donc, il fallait... Okay. Non, c'était pas l'amiable. Hein. Ah ouais, c'est ça que j'allais dire. Ok. Non. Et c'est dommage, hein. Ben oui, c'est triste. C'est triste, et puis surtout, je te dis, ça a été pénible parce que c'est tombé la mauvaise année. Mais sais-tu que pendant la COVID, il y a eu plein de séparations? Oui, mais alors, nous, c'était même pas ça. C'est-à-dire qu'après, oui, on se disait, oui, alors le confinement, ouais. Les gens qui ont été obligés de vivre ensemble, mais non, on était obligés de vivre ensemble alors qu'on voulait déjà se séparer. Mais bien sûr que ça fait apparaître des inimitiés. En vrai, quand tu habites notamment dans des grandes villes, que les deux travaillent, en vrai, l'autre, tu le vois très peu. Mais il faut pas que tu oublies aussi que les femmes qui se faisaient violenter, ça a été pire pour elles parce que c'était confiné. C'est épouvantable. Il y a eu des morts. Non seulement les gens étaient les uns sur les autres, mais en plus, avec cette situation très anxiogène, ça a décuplé la violence, bien sûr. Ah oui, puis l'alcool, les gens ont bu beaucoup plus. Les gens ont consommé beaucoup plus. Ouais. Chez nous, la drogue est légale. Il y en a qui ont pris de la coke. Non, puis le fait que tu ne peux pas sortir, tu n'as vraiment aucune bouffée d'air là-dedans, quoi, sur cette situation. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que tout ça, c'est non, on ne pouvait pas sortir. Hein. Pardon? Non, on ne pouvait pas sortir. Hein, non, mais nous non plus. Ah. Et moi, j'étais comme... j'étais essentiel, donc je pouvais sortir, j'avais ma feuille. Okay. Ça, c'était comme pendant la guerre. Ouais. C'est fou. Oui, c'était ça. C'est fou. Puis en même temps... Tu avais des laissés-passer. Oui, c'est ça. En même temps, il n'y a pas eu de rébellion. Comme des moutons. Oui, mais t'as pas envie d'être malade, t'as pas envie de refiler la maladie. Puis c'est surtout qu'au début, oui, mais... en tout cas en France, tu sais, moi j'ai pas été trop dupe parce que quand tu voyais ce qui se passait en Asie, c'était tout de suite 2 mois de confinement. Nous en France, ils nous ont fait le coup de 15 jours, puis je vous parle jeudi prochain, puis hop, c'est reprolongé de 15 jours et 15 jours et 12 jours. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est diffusé. Parce qu'au début, quand on te dit on reste chez soi pendant 15 jours, toi ton réflexe, c'est d'être citoyen. De dire, ok, je fais mon bon petit soldat, je joue le jeu, je sors pas pendant 15 jours, et on voit. Et puis, c'est à l'usure qu'à un moment donné, tu commences à te dire que, un, ils savent pas ce qu'ils font, que, deux, ils savent pas où on va, que du coup, est-ce qu'on a envie de les écouter ? Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais là, ça vient plus tard, en fait. Au départ, bien sûr que t'obéis parce que ça paraît, c'est ce qui se fait ailleurs, ça paraît logique, et puis ça te paraît pas un aussi gros effort parce que t'as pas idée qu'en vrai, ça va durer 2 ans, quoi. Non, mais... Les gens sont quand même... Mais c'est spécial de dire on savait pas, mais c'est certain, c'est la première fois que l'on vit cette situation-là. Ouais. C'est normal, c'est nouveau, c'est unique, c'est... Là, ouais. Et puis en même temps, les gens sont vaccinés ou pas, mais la COVID, oui, c'est pointable, mais on dit c'est comme une grippe, mais il y en a qui en meurent, mais il y avait déjà des problèmes. Ouais. Tu sais, le sida est encore pire que ça. Puis on n'a pas confiné personne, puis on n'a pas offert des condos à tout le monde. Non, mais le sida aussi, c'est moins contrôlable. Parce que, qu'est-ce que tu veux contrôler la vie sexuelle des gens? Oui, mais encore là, si tout le monde l'a... Non, mais là, c'est respiratoire, donc ça veut dire que tu le partages. Enfin, tu vois, avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, il faut le vouloir. Ou changer du sang, il faut le vouloir. Là, si tu es juste au boulot et que tu l'attrapes, après, en plus, c'est des responsabilités juridiques, c'est-à-dire que c'est la boîte qui est responsable, enfin, c'est ta société, quoi. Moi, je l'ai eu, mais je l'ai eu très tardivement. Vacciné, t'étais vacciné? Oui, mais j'ai eu un des nouveaux vagues. J'ai eu très récemment, en fait. Et j'avais hyper les boules parce que je me disais, ouais, 2 ans d'effort. Enfin, tu vois, je me sentais la winneuse, là. J'avais réussi à pas l'attraper. Mes enfants non plus, on était nickel. Je voulais des bons points, là, tu vois. Et puis, en mars, on a arrêté les masques en intérieur. En une semaine, ben comme là, hein, c'est reparti comme en 40 parce qu'on ne met plus le masque dans les transports. Ouais. Moi, je le remets. Ouais. En avion, t'es obligé. Moi, là, c'est pas juste pour moi. C'est parce que la semaine prochaine, je vais voir mes parents qui ont 80 ans. Ouais. J'ai pas envie de leur filer. Voilà. Et qu'en plus, les nouveaux variants, ils sont moins couverts par le vaccin et qu'ils sont beaucoup plus transmissibles, plus contagieux. Donc, en fait, c'est maintenant presque qu'il faudrait faire plus attention par rapport au début. Ouais. Quoi. Ce parfait inconnu semble aussi parfait qu'inconnu. Ah, comme ce parfait inconnu semble parfait. Tout ignorer de quelqu'un, y a rien de mieux pour le trouver sans défaut, sans lacune, pour imaginer que son ramage se rapporte à ses plumes. Une jolie gueule un matin, ça donne envie de s'arrêter pour échanger 3 mots sans grand intérêt, puis se dire bon, les mots étaient de trop. Ne pas poser de questions, ça vaut mieux pour garder sa première impression, et que cette impression-là est belle et douce. Ah, comme ce parfait inconnu semble aussi parfait qu'inconnu. Ah, comme ce parfait inconnu semble parfait. Ne pas savoir d'où il vient, y a rien de mieux pour lui trouver le charme fou des métisses, pour imaginer que dans ses veines coulent Oslo et Tunis. Lui donner ça coûte rien, des origines insolites et rares, ça c'est excitant, d'autant qu'assez vite on apprendra qu'il est de Lille ou Caen. Ne pas poser de questions, ça vaut mieux pour garder sa première impression, mais que cette impression-là est éphémère. Ah, comme ce parfait inconnu semble aussi parfait qu'inconnu. Ah, comme ce parfait inconnu semble parfait. Ah, comme ce parfait inconnu semble parfait. Que l'incertain, y a rien de mieux pour éviter la routine et l'ennui, pour imaginer que l'inconnu l'inconnu et ce qu'on veut de lui. Quand on le connaît enfin, là il devient si imparfait, si chargé de défauts, qu'il en est charmant, unique, humain, sans doute encore plus beau. Ne pas poser de questions, ça vaut mieux pour garder sa première impression. Mais que cette impression-là est inutile. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.